En Corée du Sud, selon la radio CBS, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont tenu le 23 une conférence de presse devant le siège du gouvernement à Séoul et ont déclaré que les deux orientations du gouvernement, c'est-à-dire une sur le licenciement général et l'autre sur le changement des règlements de l'emploi, sont contraires à la norme internationale du travail et avertis de porter plainte contre le gouvernement à l'Organisation internationale du travail.